un enfant nous regarde, étonné et même pas déçu. Un enfant nous désarme, ou le sien ou celui qu'on n'est plus. Un enfant, c'est le seul de la terre, c'est nous-mêmes et la laideur en moins. Un enfant, ça s'amuse à la guerre, puis ça pleure en nous tendant les mains. Un enfant nous regarde, lui détruire le monde de demain. Un enfant n'a même pas de larmes, il a attendu longtemps en vain. Un peu d'eau, un peu de lait peut-être, juste un toit et de l'amour aussi. Juste un toit et la terre serait faite. Le désert, c'est de l'enfance meurtrie. Un enfant, petit homme fragile, petite femme qui demande si peu. Vivre en paix, quelques gestes faciles, que c'est bête, il pourrait être heureux. Un enfant du Vietnam, ou d'Afrique, ou de Madagascar. Un enfant nous réclame, aidons-le avant qu'il soit trop tard. Un enfant nous réclame, aidons-le avant qu'il soit trop tard.